Alors, merci Jean-François Cardin. D'ailleurs, à propos des informations que vous pouvez trouver sur Internet concernant l'austérité, on vous a imprimé une feuille qui va se trouver sur la table ici avec les beignes et le café. Vous avez une feuille donc avec un paquet de sites qui sont très bien renseignés sur ce qui se passe. Et là, vous avez Louis-Raphaël qui vous montre la feuille en question. Vous avez, entre autres, un site Internet qui porte spécifiquement sur la question des CPE et qui est fait par l'Association québécoise des CPE avec une coalition qui s'est formée avec eux. Donc voilà. On passerait maintenant la parole à Isabelle Roy, qui est donc infirmière au C3S ANSIC Montréal-Nord et qui est vice-présidente de son syndicat. Alors, je m'excuse, je ne dirai pas l'acronyme, là, parce que de toute façon, c'est pas le plus important. Elle vient nous parler de ce qui se passe dans la santé et je pense qu'il y a beaucoup de choses à nous en dire. Donc, on la remercie beaucoup de s'être déplacée pour nous parler de ça aujourd'hui. Bonjour. Merci de l'invitation. Alors, le projet de loi 10 n'est même pas encore en branle. Vous avez probablement entendu ça dans les nouvelles, que déjà on remarque là, des coupures au niveau des services auprès de la population. J'ai sorti un petit éventail là, des exemples de coupures concrètement qui pourraient vous toucher. En juin dernier, on a annoncé la coupe de plusieurs infirmières scolaires dans le C3S ANSIC Montréal-Nord, ce qui fait en sorte que les infirmières sur place, ils ont moins de jours alloués par école et même voir que certaines écoles qui ne sont plus du tout desservies, là, par exemple le Cégep ANSIC et certaines écoles secondaires du territoire d'ANSIC. Ça entraîne évidemment là, une surcharge de travail, un épuisement puis un sentiment d'échec parce qu'on n'a plus le temps de faire de la promotion, de prévention des saines habitudes de vie. En décembre, on a eu la fermeture de la clinique jeunesse ANSIC. Eux, en clinique jeunesse, faisaient du dépistage, dépistage des ITSS, la prévention, promotion des saines habitudes sexuelles et prescription de contraceptifs et contraception d'urgence. L'employeur dit que c'est pas une coupure de service, c'est plutôt un transfert. Alors, il y a eu un transfert de la clinique qui est uniquement centralisée à Montréal-Nord maintenant. Ce que crée cet éloignement-là, c'est qu'on pense là, que justement ça va entraîner plus de grossesses non désirées, éventuellement du décrochage, de la négligence, etc. Il n'y a plus de dépistage, évidemment. Puis on sait qu'ANSIC est un des territoires de l'île de Montréal qui a le plus d'ITSSS. D'ITSSS, oui, c'est ça. Par contre, on se questionne beaucoup là, sur le message qu'on envoie à la population parce qu'il y a eu la coupe de la clinique jeunesse, mais il y a eu un ajout de budget à la clinique d'IVG, qui est une clinique d'avortement au C3S-ANSIC Montréal-Nord. En janvier dernier, il y a eu aussi la fin de partenariat infirmière-médecin qui prenait en charge des clients orphelins, qu'on appelle des clients sans médecin. Ça augmentait beaucoup là, ce partenariat, l'accessibilité à un médecin de famille. Et cette fin de partenariat là, a un impact, veut pas, pour les 9 prochains mois, 9 à 12 mois prochains, là, pour la prise en charge des clients sur le guichet d'accès à la clientèle orpheline. La fin des visites des mamans multipares qui ont plus qu'un enfant, on les visite plus à domicile, il faut qu'ils se déplacent au CLSC avec ou sans césarienne, c'est pas grave. On limite aussi les temps de visite à domicile. Alors, si exemple, en enfance-famille, on a une maman qui a de la difficulté à allaiter ou un bébé qui perd du poids, on a une heure pour faire tout ça, pour évaluer l'enfant, la mère, etc. Si on n'a pas le temps de finir, ben on part. On reviendra après-midi pour finir. Deux stats, c'est payant. Parce qu'à chaque visite, il faut qu'on fasse des statistiques. Deux stats, c'est plus payant. C'est mieux de finir. Dépression postpartum. Ah, madame, j'ai pas le temps de vous parler. On va se revoir après-midi. Il y a aussi un resserrement des critères au niveau des programmes. Exemple, en enfance-famille, en santé mentale, tout ce qui est clinique de stimulation précoce, on resserre les critères, ce qui donne en sorte qu'on a moins de clients, parce qu'il y a moins de clients éligibles à ces programmes-là. Moins de clients égale coupure de postes. Bien là, on n'a plus autant de demandes qu'on avait avant, fait qu'on va couper les postes. Il y a des créations aussi de listes d'attente parallèles dans les caseloads des intervenants aux soins à domicile. Eux, les gestionnaires ont comme objectif de liste d'attente zéro. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent tous les clients, ils les attitrent sur le bureau des infirmières avec ou sans leur accord, qui ont le temps ou pas. Ils ont le temps juste dans un mois, mais tu le reverras juste dans deux mois. Par contre, tu deviens imputable à partir de maintenant. Et ce qui fait en sorte qu'eux, il n'y a plus personne sur la liste d'attente, mais ils ont des listes d'attente parallèles dans les caseloads des infirmières. Il y a les non-remplacements aussi des infirmières lors des maladies, des grossesses. Après ça, ils coupent les chaises qu'il n'y a plus personne dessus, puis ils disent ben il n'y a pas eu de coupe de service. Ben non, la fille est partie en grossesse, elle revient, mais elle n'a plus de poste. Ensuite de ça, ben il y a une diminution beaucoup de la conciliation travail-famille. Ce qu'on remarque là, c'est que il diminue beaucoup les quotas de vacances pendant les périodes estivales ou pendant les périodes pendant la période du temps des fêtes. Au lieu de partir trois infirmières en même temps, ben il y en a juste une. Ça fait en sorte que la moins ancienne finalement prend ses vacances en octobre. Il y a aussi également là, des changements d'horaire là, une semaine à l'avance. Ils appliquent de façon conforme là, à la convention collective, mais il l'appliquait concrètement sur le terrain avant, il changeait pas une semaine à l'avance. Fait que ça fait en sorte qu'on peut pas prévoir là, des activités ou des vacances avec les enfants. On déplore beaucoup la gestion improvisée. Ils font des essais-erreurs sans consulter le personnel en place. Il y a une mauvaise priorisation aussi au niveau du budget. Par exemple, là, on sait, bon, vous avez probablement tous vu que en janvier, il y a eu un ascenseur qui est tombé à l'hôpital Fleury. L'ascenseur ne sera pas en fonction avant cet été. Par contre, parce qu'il manque de budget, mais par contre, il engage des firmes privées pour aller former les gens du bureau de santé. 250 000 piastres qu'on a engagés pour aller former les gens du bureau de santé à inciter les gens à revenir plus vite au travail. Il y a des fuites d'eau aussi à la salle d'opération de l'hôpital Fleury. Salle d'opération, fuites d'eau, moisissure, ça sonne pas bien ensemble. Il y a aussi des champignons puis de l'amiante au sous-sol de l'hôpital. Mais ça, c'est des projets plus long terme. On n'a pas de sous pour ça. On a une augmentation beaucoup de la bureaucratie. On a des grilles de performance à compléter pour justifier un peu leur salaire. Alors, on doit allouer des pointages à chaque patient pour la lourdeur puis l'intensité des services qu'on offre. Ce qu'on dit puis ce qu'on déplore, c'est que c'est peu valable parce que d'une semaine à l'autre puis même d'une journée à l'autre, l'intensité puis le besoin de la clientèle peut changer très rapidement. Ça prend beaucoup de temps à compléter. On a une diminution du temps auprès de la clientèle. Ce qui fait en sorte qu'on a de moins bons services, puis ça nous dévalorise beaucoup en tant qu'infirmière. Le climat de travail est très tendu aussi parce qu'il compare les grilles d'un employé à l'autre. Regarde, elle a 115 points, puis toi, t'en as juste 85. Comment ça? Parce qu'il faut que tu arrives à 100 points au bout de ta journée. Ils calculent pas, par contre, si ce matin, tu as eu 25 messages dans ta boîte vocale parce que tu as des patients qui sont tombés, qui ont une fracture de hanche, sont partis à l'hôpital. Ça, ils calculent pas ce temps-là, le temps à remplir toutes les papiers, etc. Vite, je vais me dépêcher, je ne sais pas combien il me reste de temps. On a beaucoup de difficultés à comprendre la lecture qu'ils font des statistiques. Comme je parlais tout à l'heure, là, il me reste deux minutes. Comme je parlais tout à l'heure, à chaque visite, il faut qu'on fasse une statistique. Si on fait trop de statistiques, on dit qu'on offre de la surqualité. Fait qu'il faut qu'on fasse moins avec plus de patients. Puis si on n'en fait pas assez, bien, on n'atteint pas les objectifs. Égal coupeur de poste. Au niveau du gouvernement, on le sait qu'il nous ment là, quand il dit que le nouveau budget n'affectera pas là, les services à la population, parce qu'on voit déjà un impact. Là, c'est quelques exemples que je vous ai donnés. Là, mais on crée encore plus les impacts du projet de loi 10 sur la qualité des soins, l'accessibilité aux services, les conditions de travail. Eux, ils ont comme objectif main-d'œuvre indépendante. Là, les agentes infirmières, ils n'en veulent plus. Ils ont coupé ça, mais ils n'engagent pas plus de personnel. Fait que c'est du temps supplémentaire obligatoire. Les filles sont fatiguées. Puis, il y a eu un gel d'embauche. Il n'y a plus d'embauche d'infirmières pour les deux prochaines années. Le projet de loi 10, ce qu'on pense, là, justement, c'est que ça va augmenter beaucoup la privatisation. Il y a des coupes au niveau de la salle d'opération. Les médecins sont prêts à opérer, mais ils n'ont pas d'argent pour faire fonctionner la salle d'opération, ce qui crée une méga liste d'attente. Puis quand tu as 45 ans, puis il faut que tu fasses opérer pour le genou, tu n'attendras pas 18 mois, 2 ans, 3 ans avant de te faire opérer, ben tu vas aller payer le 15 000 pour te faire opérer au privé, pour pouvoir commencer à travailler plus vite, puis continuer à leur payer des taxes. Alors, les mégastructures du PS10, justement, on le sait, ça va éloigner la population des services. On décentralise les soins. Fait, exemple, le C3S Antique Montréal-Nord va devenir... mon Dieu, c'est quoi déjà le nom? Le CIUS du nord de l'île. On va avoir l'hôpital des Rivières des Prairies, l'hôpital Sacré-Cœur, le C3S Bordeaux-Cartierville Saint-Laurent, le C3S Cœur de l'île et l'hôpital Jean-Talon avec nous autres et l'hôpital Fleury. Alors, ce qui va faire en sorte qu'on pense qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, bon, ben exemple, Sacré-Cœur, c'est les traumas, les grosses chirurgies cardiaques, ben là, il n'y en aura plus à Fleury, puis il n'y en aura plus à Jean-Talon. Il va falloir que tu te déplaces encore plus loin pour avoir tes soins. Un peu ce qui se fait déjà là, avec la clinique jeunesse. Ces mégastructures-là vont faire en sorte aussi qu'on va avoir une diminution du pouvoir des syndicats. On ne pourra pas aller rejoindre tout le monde aussi souvent dans leur centre. Où est-ce qu'on va faire les assemblées générales? Est-ce que le monde va se déplacer pour venir, etc.? Diminution de la mobilisation, évidemment, de la défense des droits des travailleurs. Et c'est tout.